Chapitre 17e. L'associé du marquis. À ce mot, il eut un mouvement de répulsion instinctive. Et bien que la proposition lui fût faite par une bouche de laquelle il était habitué à tout accepter sans discussion et même sans réflexion, il resta hésitant sans répondre. « Mon moyen ne vous paraît pas bon ?» demanda Madame de Lucilière. « Alors n'en parlons plus. » « Ce n'est pas le moyen, et je crois comme vous qu'il pourrait placer le marquis dans des conditions où il ne penserait pas avoir en moi un rival. N'est-ce pas justement ce que nous devons chercher, sans doute ? Eh bien alors ?» La réponse était difficile à tourner, car bien que Madame de Lucilière ne dût avoir qu'une médiocre estime pour son mari, et sa proposition donna la juste mesure de cette estime, ce n'était pas moins l'homme dont elle portait le nom. Il se décida enfin. « Il est certain, dit-il avec embarras, que pour nous, pour notre amour, le moyen est bon, mais pour moi. Comment pour vous? S'il est bon pour nous, il serait mauvais pour vous. Il y a donc en vous plusieurs personnes, l'amant et l'homme, mon cher Édouard et monsieur le colonel Chamberlain. Mais alors c'est admirable. Je connaissais le mystère de la Sainte Trinité. Je ne connaissais pas celui de la dualité. Vous plaisantez. Et certes, je n'en ai guère envie, mais cela ne vaut-il pas mieux que de se fâcher? Comment? Je me creuse la tête, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, pour sortir d'une situation qui tout d'abord paraît sans issue, en même temps qu'elle est pleine de dangers pour nous, pour vous comme pour moi peut-être plus encore, puisque c'est mon honneur qui est en jeu. Avez-vous pensé à cela? Vous êtes-vous demandé ce qui arriverait si le marquis voulait éclaircir ses soupçons? Pouvez-vous en douter? Vous y avez pensé, c'est bien, et cela suffit. Je dis donc que je m'ingénie de mille manières pour écarter ces dangers et sortir de cette situation. Par miracle, je trouve un moyen. Vous déclarez vous-même qu'il est le seul praticable et que de votre côté vous n'en voyez pas d'autre. Cependant, vous n'en voulez pas. Il y a des inconvénients à vos yeux qui vous le font repousser. Un seul. Et croyez-vous que je ne l'ai pas vu tout d'abord? Aussi, je vous dispense de me l'expliquer. J'aurais même été heureuse que vous fussiez resté assez maître de vous pour dissimuler l'impression qu'il vous causait. Soyez convaincu que, vous connaissant comme je vous connais, je n'aurais pas supposé une seconde que vous l'acceptiez le cœur léger. Mais j'aurais été touché du sacrifice que vous vous imposiez d'un cœur ferme. Est-ce que vous vous imaginez que c'est gaiement que je suis venu vous entretenir de ce projet? Supposez-vous qu'une femme prononce de pareilles paroles sans avoir la gorge serrée? Mais ce n'est pas dans mon caractère de montrer les émotions douloureuses que je ressens. La douleur ne m'a jamais fait crier. Elle m'a fait rire souvent. Que ce rire soit bien naturel, c'est ce que je ne soutiendrai pas. Mais enfin, ce sont des plaintes et des larmes dont j'ai horreur. Je croyais que dans une certaine mesure vous aviez ce caractère, et je vous en aimais d'autant. Je me trompais donc. Ne croyez pas que je voulais me plaindre. Mon intention était seulement de vous expliquer ce que je sais aussi bien que vous. Car vous ne vouliez pas me parler de choses d'argent, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous savez comme moi que vos intérêts, confiés au marquis, seront dans de bonnes mains. « Ce n'est certes pas de cela que je voulais vous parler. Alors je vous en prie, ne parlez pas. À quoi bon, puisque je sais ce que vous voulez me dire? Il y a des choses qui veulent n'être pas expliquées. Il y a des paroles qu'il est mauvais de prononcer. Vous avez manifesté une répugnance invincible à l'égard de mon moyen. Le mieux est de ne pas aller plus loin. » Elle se leva. « Vous chercherez, dit-elle. Moi, de mon côté, je chercherai aussi. Et il faut espérer que nous trouverons autre chose. » Je n'ai pas la sotte infatuation de croire que j'avais découvert la seule ligne de conduite possible pour nous. Seulement, en attendant que vous ayez trouvé ou que j'ai trouvé moi-même, nous allons malheureusement être condamnés à une grande circonspection. Vous sentez qu'il doit en être ainsi, n'est-ce pas? Et je suis certaine que vous serez le premier à proposer de nous voir moins souvent. En attendant que nous puissions détourner les soupçons du marquis et peu à peu les supprimer, il ne faut pas commencer par les exaspérer. Car le jour où nous aurions notre moyen, il serait probablement impuissant. Persistez-vous dans votre désir de me voir après-demain, comme vous me l'avez demandé? Si vous le voulez, je viendrai, car je n'aurai jamais la force de vous résister, ni de vous refuser une joie qui n'est pas moins grande pour moi que pour vous, mais qu'il soit bien entendu à l'avance que c'est une imprudence. Ainsi posée, la question ne pouvait avoir qu'une solution. Le colonel déclara qu'il acceptait le projet d'association. La marquise refusa, il insista, et la discussion qui s'engage alors se termina bien entendu par la défaite de Madame de Lucilière. Mais comment arranger cette association? Ce n'était pas le marquis qui pouvait la proposer au colonel. c'était au contraire celui-ci qui devait la faire accepter par le marquis. Je crois que si vous allez tout simplement demander au marquis de vous associer dans son écurie, cela ne sera pas très habile, dit madame de Lucilière. Alors, que faire? Il faudrait, il me semble, que ce projet d'association vous fût proposé par le marquis lui-même. Vous vous chargez de lui suggérer cette idée? Dit le colonel, entrevoyant la possibilité d'être débarrassé de cette négociation horriblement désagréable et pénible pour lui sous tous les rapports. Non, assurément. Je ne vois pas alors comment la lui suggérer moi-même. Tout simplement en lui demandant de vous vendre son écurie entière. Pourquoi le désir ne vous serait-il pas venu de faire courir? Rien n'est plus naturel dans votre position. Naturel pour qui ne connaît pas mon indifférence en fait de course. Cette indifférence passe pour de la froideur dans l'attitude. On croit que vous ne voulez pas vous livrer et le marquis lui-même partage cette opinion. Il ne trouvera donc pas étrange que vous lui proposiez cette acquisition. Car si vous voulez faire courir, vous ne pouvez pas avoir l'idée de fonder une écurie, ce qui vous prendrait beaucoup trop de temps. Vous devez tâcher d'en acheter une solidement établie. Celle du marquis réunit toutes les conditions désirables. Il est donc logique que vous en ayez envie et logique aussi que vous lui demandiez de vous la vendre. Sans doute, il s'agit d'une grosse somme, mais tout le monde sait que vous avez l'habitude de faire grandement les choses. Le marquis refusera, car pour rien au monde, il ne ferait le sacrifice de son écurie. Je comprends. Vous comprenez, n'est-ce pas, que vendre une chose ou accepter un copropriétaire pour cette chose est bien différent. Ce sera, je le suppose, le raisonnement du marquis. Pour des raisons de moi connues et dans le détail desquelles il est inutile d'entrer, je crois que le marquis sera bien aise de mettre la main en ce moment sur une grosse somme d'argent. En tout temps, il serait sensible à ce plaisir, mais présentement il le sera plus encore que jamais. Comment concilier ces deux désirs, celui de garder ses chevaux et celui de toucher une grosse somme, au point où nous sommes arrivés? Vous voyez ce moyen, n'est-ce pas? Parfaitement. De lui-même et par la force seule des choses, il prendra naissance dans l'esprit du marquis. Ce sera une éclosion spontanée, ce que justement nous cherchions. Ne voulant pas se défaire de son écurie, et d'un autre côté voulant profiter de votre offre, le marquis, si vous le poussez adroitement, aura l'idée d'une association. Il gardera la moitié de la propriété de l'écurie, il gardera sa direction, ce à quoi il doit tenir par-dessus tout, et il vous cédera en propriété la seconde moitié, qu'il vous proposera lui-même comme arrangement et pour donner satisfaction à vos désirs. La chose ainsi posée, ce ne sera plus qu'une affaire à discuter entre vous. Il n'y aura pas de discussion. Vous auriez tort de vous montrer trop facile. D'abord, cela serait maladroit. Car voulant l'écurie entière, vous devez être très fâché de n'en avoir que la moitié. Et puis, il ne me convient pas que dans cette circonstance, alors que vous n'agissez que d'après mon inspiration, vos intérêts soient sacrifiés. Défendez-les, au contraire, et vigoureusement, car il est à prévoir qu'ils seront vigoureusement attaqués. Après tout, c'est une affaire. Pas pour moi, vous savez bien que je ne fais pas d'affaires. Il faut au moins que le marquis soit persuadé que vous en faites une. Notre sécurité est à ce prix. Et puis laissez-moi ajouter encore que l'estime du marquis pour vous sera proportionnée à votre habileté. Ce n'est pas son estime que je veux acheter, ne put s'empêcher de dire le colonel. La marquise ne répondit rien, mais elle haussa les épaules. Décidément, ce n'était et ce ne serait jamais qu'un sauvage. « Et quand désirez-vous que j'entreprenne cette négociation ? » demanda-t-il. « Mais aussitôt que possible. Tout de suite alors. » Les choses se passèrent exactement comme la marquise les avait prévues. À la proposition de vendre son écurie, M. de Lucilière poussa lui au cri. « Vendre ses chevaux ? Mais il les aimait. C'étaient ses élèves, ses juments. Mais il ne pourrait jamais s'en séparer. » On lui eut demandé d'acheter son fils Savinien, qu'il n'eût pas témoigné plus de regrets. Le colonel se montra touché, comme il convenait, de cette explosion de tendresse, et il regretta d'autant plus cette affection du marquis qu'il était disposé à consacrer une grosse somme à cette acquisition. Une grosse somme, vraiment! Et M. de Lucilière ouvrit les oreilles et s'haussa sur la pointe des pieds, comme pour mieux voir au loin quelle pouvait être cette grosse somme. Celle que vous m'auriez fixée vous-même en toute conscience et d'après la valeur réelle de vos chevaux, que vous seul êtes en état d'apprécier. Ah, vraiment, vraiment. Cette envie de faire courir était donc bien vive, très vive. N'était-ce pas naturel dans sa situation? Tout à fait naturel. Aussi était-il vraiment fâcheux de ne pouvoir la satisfaire. Mais c'était impossible, il ne pouvait pas se séparer de ses chevaux. et alors il proposa d'autres écuries qu'on pourrait peut-être obtenir dans des conditions plus avantageuses. Mais ce n'étaient pas d'autres écuries que le colonel voulait, c'était celle du marquis et celle-là seulement. Il parlait depuis longtemps pour ses chevaux, il les connaissait, il s'intéressait à eux, lui aussi il les aimait, et puis, quelle autre valait celle-là? Pour lui, il n'en voyait pas. Il lui fallut n'avoir pas un cœur de propriétaire pour n'être pas sensible à ce compliment, et M. de Lucilière portait très haut l'orgueil de ses couleurs du turf. Évidemment, il était difficile de trouver l'équivalent de ce qu'il avait réuni avec tant de soins, de peines, de dépenses, mais c'était justement ses soins et ses peines qui l'empêchaient d'accéder aux propositions tentantes qui lui étaient faites. Le colonel comprenait très bien que le marquis ne voulut pas renoncer aussi à avoir une écurie, alors que depuis longtemps c'était pour lui une occupation et un plaisir. Aussi, en achetant celle que le marquis possédait actuellement, ne trouverait-il pas mauvais que celui-ci en fondât une autre immédiatement? Ils lutteraient l'un contre l'autre, voilà tout. Mais on ne fonde pas ainsi une écurie de course du jour au lendemain dans un pays qui possède aussi peu de chevaux de pur sang que la France. Ce fut ce que le marquis expliqua au colonel avec une compétence irréfutable. Alors il fallait décidément renoncer à cette idée. « mais non !» s'écria le marquis. « Peut-être serait-il possible de tout concilier, et votre désir d'avoir une écurie et ma résolution bien arrêtée de ne pas me séparer de la mienne. » On était arrivé au moment décisif. Le colonel eut honte de poser la question qui devait amener cette conciliation, cependant il se décida. « Et comment cela ? » demanda-t-il avec un embarras qui pouvait passer pour l'incrédulité d'un homme qui ne voyait que des impossibilités devant lui. « Vous avez prononcé un mot tout à l'heure qui m'a suggéré une idée. Vous avez parlé de lutter l'un contre l'autre. Pourquoi, au lieu de cette lutte, n'établirions-nous pas entre nous une association ?» Le colonel, pour un bien joué son rôle, aurait dû pousser des cris de joie, mais il n'en eut pas le courage. « L'idée ne vous sourit pas ?» demanda M. de Lucilière. « Ce n'est plus la mienne. Au contraire, c'est absolument la vôtre. Que voulez-vous, mon écurie ? Je vous la donne, c'est-à-dire que je vous en donne la moitié. Au lieu d'être l'unique propriétaire, vous êtes copropriétaire. Et permettez-moi de vous dire qu'il y a pour vous un avantage considérable. Vous vous occupez depuis trop peu de temps des choses du sport pour trouver mauvais. Que je vous dise que vous n'en possédez pas encore toutes les finesses, ou pour me servir d'un mot que je n'aime guère, mais qui est juste, en cette circonstance, toutes les roueries. Eh bien, il est certain que si vous aviez été seul propriétaire, vous auriez été exposé, au moins pendant les premiers temps, à être trompé, disons le mot, à être volé, tandis que m'ayant près de vous, je vous préserverai de ce danger. D'un autre côté, je vous initierai à la partie technique du métier, que vous ne connaissez pas non plus, et qui ne s'improvise pas, je vous assure. Cela vous convient-il ainsi ? Pour bien remplir son rôle, il devait à ce moment se confondre en remerciements. Il ne put pas s'y résigner, et resta froid pour le sacrifice que le marquis lui faisait. Heureusement, la question d'argent vint le tirer d'embarras. Il fallait discuter les conditions de cette association que le marquis offrait si généreusement à son ami, rien que pour l'être agréable, et ce ne fut pas une petite affaire. « Voici comment je comprends notre association, » dit le marquis. « Nous estimons mon écurie et le haras à leur valeur, et vous me payez la moitié de cette valeur. De plus, nous estimons ce que l'écurie me rapporte de bénéfices en établissant une moyenne, et vous m'achetez, moyennant une somme déterminée, le droit de partager ces bénéfices à partir du jour de notre association. Car ce que je vous cède, c'est une affaire en plein succès, qui m'a coûté beaucoup de temps et d'argent, et vous ne voudriez pas que je vous fisse cadeau d'une position créée par moi seul. » Assurément, le colonel ne voulait pas que le marquis lui fît un cadeau. Mais bientôt il vit, lorsque les estimations furent établies, que ce danger n'était pas à craindre. Le marquis n'avait pas du tout l'intention de l'accabler de sa générosité. En parlant d'une grosse somme, le colonel ne s'était pas fixé un chiffre déterminé, mais il avait compté largement, à vue de nez. Cependant, celui qui lui fut demandé dépassa de plus du double ses prévisions. L'estimation du marquis était un véritable chef-d'œuvre qu'un commissaire-priseur eût admiré. C'était complet. Depuis Haymarket, le célèbre étalon anglais, estimé à la somme de 175 000 francs, jusqu'au balai qui servait à balayer l'écurie de ce noble animal, le dit balai et son manche estimés ensemble à la somme de 40 centimes. Ce qui s'était fait pour Haymarket s'était reproduit pour tout, pour les juments, pour les yearlings, pour les chevaux à l'entraînement, pour le matériel du haras, pour les casaques des jockeys, rien n'avait été oublié. Mais où le marquis s'était surpassé, c'était dans l'estimation des bénéfices éventuels. Sans discuter, il conta au marquis la grosse somme qu'avait décidée celui-ci à ce sacrifice. « Je ne vous ai pas vendu Chalençon, » dit M. de Lucilière, « parce que c'est le château de mes pères. Mais il est bien entendu qu'il vous appartient comme à moi et que nous le partagerons. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez donc vous y installer quand vous voudrez. Si légalement le haras et le château font deux, en réalité ils ne font qu'un. » C'était bien ainsi que le colonel l'entendait. Cette association établit naturellement de nouveaux liens entre la marquise et le colonel, ou plus justement, elle leur donna toutes les facilités qu'ils pouvaient désirer pour resserrer ceux qui existaient déjà. Partout où allait la marquise de Lucilière, se trouvait le colonel Chamberlain, et souvent même, ils arrivaient ensemble au théâtre, aux courses, dans les salons, avec ou sans le marquis. Quelques méchantes langues se permettaient d'en rire et de les appeler le ménage à trois en parlant d'eux. Mais heureusement, d'autres langues, mieux inspirées, relevaient comme il convient ces sots propos. Où irions-nous si on laissait la médisance régler nos relations, surtout si on la laissait se manifester librement? Quelle règle doit diriger une société polie? Celle des convenances? En quoi le colonel ou la marquise blessait-il les convenances? Madame de Lucilière n'avait-elle pas un mari? Ce mari n'était-il pas l'associé du colonel Chamberlain dans une écurie de course qui était une des gloires du turf parisien? Alors quoi de plus naturel que de les voir vivre tous les trois dans une étroite intimité? On incriminait cette intimité. Que savait-on de positif à cet égard? Rien, absolument rien. Les convenances étaient sauvegardées. Cependant, pour les sauvegarder mieux encore, il eût fallu que le colonel fût plus attentif à son rôle de sportsman, et cette attention passionnée il ne l'avait pas. Une réponse qu'il avait faite peu de temps après sa prise de possession de l'écurie était même restée célèbre. Il avait deux chevaux dans une même course, et comme on lui demandait avec lequel il voulait gagner, il avait répondu « avec le meilleur ». Et le marquis avait précisément donné des ordres pour gagner avec le mauvais, ce qui justement s'était réalisé. Comme la réponse du colonel avait fait perdre d'assez grosses sommes à ceux qui avaient eu foi dans sa parole, on l'avait vivement discuté. Le colonel Chamberlain deviendrait-il l'élève du marquis de Lucilière? « Messieurs, » dit M. Doyat, qui avait assisté à cette discussion, « notre ami le colonel n'a besoin d'être l'élève de personne. C'est un homme très fort. La façon dont il a amené son association avec le marquis est un chef-d'œuvre. »